Bienvenue, bienvenue à votre émission Gossip Star. Gossip Star. Gossip Star. Et votre émission spéciale dédiée à la vie des stars. Bonjour à tous et merci de l'estime que vous accordez à Gbeke FM, la première web radio de la région de Gbeke. Vous le savez tous, nous ici, on va dire, on essaie de promouvoir l'art au niveau régional, national et international, parce que nous recevons ici des artistes pétris de talent qui exposent leur talent, bien sûr, à travers, un micro. Ici, comme d'hab, merci à vous de rester cramponné sur Gbeke FM. Alors, pour la Lucane Gossip Star de ce jour, j'ai en ma compagnie une grossette de la musique ivoirienne. Il s'appelle Warren Simba, il fait du zouglou. Merci de rester avec nous jusqu'à la fin pour comprendre réellement sa carrière, son univers, comment il vit. C'est maintenant. Warren, bonjour. Ah, bonjour. Comment tu vas? Bien, par la grâce de Dieu. Ouais, mais tu es un peu froid là. C'est bon, ça ici. Comme ça? Mais moi ici, là, je vais te réchauffer. Hein, ça porte un peu. Ça porte un peu. Ouais. Warren, ça te dit quoi de ta Gbeke FM aujourd'hui? Bon, je suis... C'est un plaisir pour moi d'être ici. Et puis, ton nez de mes nouvelles, là, mes fans. Parfaitement. Voilà. J'espère qu'ils sont cramponnés. Comme ça, ils sont là. Ils sont en train de goûter actuellement, hein, j'espère. On espère tous. Mais là, tu parles un peu trop, comme si, ouais, ça n'allait pas. Ça va? Je suis concentré. Concentré? Tu parles dans le micro. Très concentré. Bon, on va à la pause, on revient et puis je te mets dans mon univers. Le diamantaire. Pas pour ce qu'il y a, mais quand la peau de tout va bien. Vous savez bien, hein, ici à Gbeke FM, tout le jeudi dès 10h, voilà, nous vous mettons dans une bonne humeur, j'ai envie de dire, voilà, à travers la Lucan Gossip Star. Et aujourd'hui, mon invité est bien Warren Simba, il fait du Zouglou. Voilà, aujourd'hui, comme je l'ai dit tantôt, il va nous mettre dans son univers, il va parler un peu de sa carrière musicale. Et puis après, je vais amener Warren Simba dans mon univers. Dans la phase du tic-tac, mais bon, si la timidité continue, je pense que on va devoir le faire maintenant. Warren, ça va? Ouais, ça va, ça va. Tout va bien maintenant, hein? Bien. Un peu de concentration, n'est-ce pas? Voilà, tu regardes la caméra et puis tu dis bonjour à tes fans. Ok, donc bonjour ses fans. Bonjour. Voilà, c'est comme ça. C'est comme ça, ouais. Un peu trop de timidité là. Voilà, nous, tu sais, on est un peu timide, mais c'est sur le micro, hein. Bon, c'est quand on a le micro en main. Ouais. Qu'on s'exprime plus, mieux, c'est comme ça. Bon, moi je pense que là, il y a un micro en face de toi. Donc tu nous fais un petit truc pour signaler tes fans que voilà, tu es là pour vibrer Bouaké. Rapidement. Zé, zé, zé, zé, zé, ou un peu si tu es là, zé, zé, ton gentil, en tout que tu es bête. Ah oh, tu commences à t'organiser, c'est même disque que tu es gonflé. Voilà, c'est Warren. C'est Warren, ça va venir forcément. Ça vient. Ça va. Warren Simba, ça vient comment et qu'est-ce que ça veut dire? Ok, bon, Warren, c'est tout simplement. C'est. En réalité, c'est Warren Chou. Ok, Warren Chou, voilà, ok. Voilà, mais dans le Zouglou, j'ai choisi Warren tout simplement pour. Et Warren Chou, ça vient comment? Non, le Chou, Warren Chou, c'est une histoire. C'est une, ouais. Histoire, c'est une histoire. Une histoire, ouais, mais on est. Une longue histoire, on ne peut pas tout expliquer ici. Un débrief. On ne peut pas tout expliquer ici. On ne peut pas tout expliquer ici. Comme ça. Ok, et ça vient à quel moment et qui te l'a attribué? C'est ce que nous voulons savoir. Bon, Warren Chou, c'est depuis le lycée. Hein, c'est depuis le lycée. Voilà, c'est l'un des mouvements. Ouais. Voilà, comme je le dis, on ne peut pas tout expliquer. Voilà. Donc maintenant, comme j'ai quitté ce mouvement, pour venir dans un autre mouvement qui est Showbiz. Ouais. Préféré au lieu de Warren Chou, préféré simplement couper pour dire Warren. Warren. Donc actuellement, bon, je sais que tu n'acceptes plus qu'on t'appelle Warren Chou. Non. C'est le Warren. Bon, c'est pour ceux qui sont plus proches de moi. Hein, ouais. Bon, de façon Warren Chou. Bon, là, quand tu appelles Warren Chou, déjà, tu sais que cette personne te connaît depuis. Ouais. Sinon, pour ceux qui sont là aujourd'hui, ils disent Warren. Bon. Warren, ça passe tranquillement. Voilà, c'est comme ça. Là, tu quand tu démarres, on va dire ta carrière musicale, en quelle année? J'étais mal à la carrière musicale, on peut dire. Sur le plan professionnel, ouais. C'est 2019. Mais wow. En réalité, si on veut partir d'où il a commencé, ça fait au moins plus de 13 ans, parce que c'est en 2009 qu'il a commencé réellement le Zouglou. Oui. Voilà. Donc, mais sur le plan professionnel, si on veut. Parler terre à terre sur le peuple professionnel, c'est depuis 2019 parce que c'est là que j'ai fait surtout mon premier album. Oui. Voilà. Qui avait combien de titres? 8 titres. 8 titres. Voilà. Un album qui est passé un peu inaperçu, mais qu'on va relancer bientôt. Voilà. Okay. Parce qu'un album ne meurt jamais. Quand parfaitement. Les morceaux sont bien faits. Voilà. Comme c'est que tu viens d'écouter. Parfaitement. Voilà. Donc, ne crains pas. La galère est devenue ton, je sais pas, ton ennemi en fait. Parce que c'est ce que tu disais dans le son. C'est bien ça? Ouais. Voilà. Ben là, les gars, fils, là, tu me donnes ça à la fin de l'émission. On verra. On verra. Warren Simba, voilà, connu dans le milieu du Zouglou en Côte d'Ivoire. Le showbiz n'a plus de secret pour toi. Alors, tu démarres en 2019. Tout de suite, comment est-ce que tu t'acclimates en fait? Parce que là, d'abord, toi, tu es dans un mouvement, c'est ce que tu l'as dit. Hein. Tu es dans un mouvement et après, tu décides de faire du Zouglou. Tout de suite, comment tu t'adaptes? D'abord, pour dire. C'est en 2019, mais c'est en 2009 qu'il a commencé à réalité le Royaume. Parce que le Zouglou, la base du Zouglou, c'est le Royaume. Voilà, on a fait le Royaume. Mais c'est en 2019 que j'ai rentré dans le milieu de la jungle, en tant que tel, comme on le dit. Ouais. Voilà, parce que tu faisais le Royaume, tu appréciais, mais quand tu rentres maintenant dans la jungle, ça veut dire que tu fais sortir un album entre dans le showbiz. Voilà, la santé business. Oui. Voilà. Et aujourd'hui, avant d'entamer la musique, ce qui veut dire avant de voilà, prendre le micro, commencer à chanter, avant qu'avant tu faisais des trucs, aller voilà, bah, bon, ça, on est ici pour ma carrière musicale. Oui. On est ici pour la musique, donc parlons de musique. Sinon, avant, oui, on va pas parler de ça. On parlera forcément de la musique, non, parce qu'on ne peut pas parler de quelqu'un qu'on ne connaît pas, tu vois. C'est pourquoi il dit c'est une histoire, pas trop. Parce que là, je pense que je ne suis pas encore dans ta vie privée, n'est-ce pas? Tu m'as dit que tu ne vas pas parler de ça et je n'étais pas obligé à parler, n'est-ce pas? Non, je pense que c'est juste pour te connaître. Voilà. Ces questions. Parce que je ne peux pas me dire que je connais Warren et puis comme ça, j'arrive pas à savoir qui il est réellement. C'est pas trop ça. Parce que ton parcours peut inspirer quelqu'un qui t'écoute actuellement. C'est ça. C'est vrai ou faux? C'est vrai. Ouais. Non, pourquoi essayer de réagir de la sorte? Déjà, et tu étais à l'école, n'est-ce pas? Bon, tu décides de faire de la musique. Comment est-ce que tes parents ont réagi à cet effet? Les parents n'ont pas mal pris, puisque depuis l'enfance, ils savent que ça est dans mes veines. Parce okay. que depuis étant petit, bon, il faut donner des chants. Et puis, c'est dans la famille même, parce que le grand-père était chanteur okay. traditionnel. Voilà. Donc, ils n'ont pas mal pris. Voilà. Puisque tu étais majeur avant de commencer la musique. Voilà. Donc, ce n'est pas. C'est comme ça. Ils ont apprécié ça. Tranquillement. Voilà. Ok. Ça. Maintenant, là, tu chantes parfaitement. On a écouté tout de suite. C'est vrai qu'il y a des artistes Zouglou ici en Côte d'Ivoire. Il y a une pléthore d'artistes Zouglou. Toi, comment est-ce qu'on peut te reconnaître facilement? Quelle est ta particularité, ce que tu dis? Ma particularité, c'est que c'est mon thème vocal. Hein? Ok. Puis. Je peux dire. C'est. Ma manière d'être sur scène. Ok. Voilà. Mon fond parler. Voilà. Donc c'est ça, c'est un peu ça. Tu as une capacité à attirer, on va dire, rapidement les fans, on va dire, capter un public. Ma force, c'est que c'est l'improvisation. Ok. Voilà. L'improvisation, tout moment, tout lieu. Tu me donnes un micro, je te fais quelque chose rapidement. Ok. Voilà. Forcément, tu vas nous faire quelque chose ici. Mais déjà, tu rentres dans le milieu du showbiz. Bon, très souvent, c'est des domaines où on a forcément des mentors, on a forcément des gens à qui on veut ressembler. Voilà. Toi, à ton niveau, qui t'a le plus donné l'envie de chanter? L'envie de chanter est venue du côté de. D'abord, pas pour mentir, même si. On dit même si ton père est sale, c'est ton père. Ok. Voilà. Celui qui m'a donné envie de chanter, d'abord, c'est Magusima. Ok. Voilà, Magusima qui vient du sud de Boaké. Ok. Voilà, mais au fur et à mesure, je me suis encore. Comme lui aussi, son idole était Yodé. Ok. Donc Yodé, je suis rentré dans ma veine. Mais, pour dire vrai, maintenant, actuellement, dans la nouvelle génération, celui qui m'inspire, c'est Samy Succès. Samy Succès, ok. Voilà, c'est comme ça. Et qu'est-ce qu'il fait de particulier, je veux dire? Non, mais ce qui est bon pour lui, c'est que, bon, chez lui, c'est que c'est, son Zouglou est pur, son Zouglou est. C'est du Zouglou même. Okay. Voilà. Parce qu'il faut dire les choses par les noms. Okay. Chaque musique a sa particularité. Okay. Voilà. Et aujourd'hui, j'ai l'habitude de dire, si le reggae n'a pas changé de couleur pour prendre le monde, okay. si la R&B, toutes les musiques là, n'ont pas changé de couleur pour prendre le monde, pourquoi le Zouglou a changé de couleur? Voilà. Pour pouvoir atteindre le monde, pour que le monde puisse nous écouter, il faut qu'on reste pur okay. dans notre Zouglou et puis ensemble on soutient ce Zouglou et puis bon, c'est pourquoi j'aime Samy Succès, parce qu'il n'est pas venu avec un Zouglou tonique comme on le dit, il est venu avec le Zouglou pur et ce Zouglou a bien fait au lieu de tout le monde, toute la nouvelle génération comme l'ancienne génération a adopté ce Zouglou. Et bon, j'ai envie de savoir en fait, tu dis Zouglou pur en fait, c'est quoi le Zouglou pur en réalité? Quand le Zouglou pur, c'est une okay. manière de parler, ça veut dire que le Zouglou même c'est le Zouglou. Voilà. C'est le Zouglou. Comme les Yodé, comme les Molières, okay. tout ça. Voilà. Comme les patrons. Ça okay. c'est le Zouglou. Pas comme aujourd'hui, quand il y a des Zouglou, quand tu écoutes, tu ne sais pas si c'est le Zouglou. Mais c'est du coupé décalé, ok. Oui, c'est cette chanson. Mais quand tu fais quelque chose de bien, quand c'est bien fait, dis-toi que forcer les gens vont apprécier. Ils vont apprécier. Tranquille. Donc, alors, on va te laisser reposer un peu. Tu vas te reposer, relaxer un peu. On va encore vers Johnny. Voilà, il va nous mettre ton son. On revient pour parler de ta carrière musicale, comme tu l'as dit. Général Fa. Ici, on the beat. Ah, yeah, yeah, yeah. Ah. Aruba. Chef, c'est pas moi, c'est mon pato Apollo la tempo. Chef, c'est pas moi, Axel et Gradel, c'est mon pato Apollo la le Denis Banani. Chef, c'est pas moi, c'est mon pato Apollo la tempo. Les Sandra Foué yo. Tempo, tu m'as pompé les bobies, banza banza, banza banza. Tempo, tu m'as pompé les bobies, tu n'as pas, hey, tu n'as pas, hey. Tempo, tu m'as pompé les bobies, banza banza, banza banza. Tempo, tu m'as pompé les bobies, tu n'as pas, hey, tu n'as pas, hey. La misère nous vient de Dieu, Abutu national. Et là c'est parti, nous vient de l'éducation. Papa Bema Koulibaly, c'est grâce à Dieu que nous nous sommes connus à vie. Mais c'est ton comportement qui fera que l'amitié va durer. Mais moi je ne comprends pas, ton amitié est bizarre. Approche manager, je ne comprends pas, ton amitié est bizarre. Yeli manager. Ah, eh, eh, eh, eh. Des amis qui sont pas sérieux, des boss putain. Chance à eux les plus intelligents, les agents la toi construit. Aux escorons, toujours t'es dans ma qui tu payes, ils ne font que pour haut. Mais après c'est eux qui vendent au quartier, lui là il s'est énervé. Big Jojo, pourtant ils oublient, président PC, MBC, la génération consciente. Quel poisson que tu payes là, c'est eux-mêmes qui boivent ça. Oh, Wolio, Wolio, Wolio, Wolio, Wolio, Wolio, Wolio, Wolio, Wolio, Wolio, Wolio, Wolio, DJ. Je te présente la côte derrière moi, tu la dragues. Quand tu as des problèmes, je suis toujours carré. Parasimba, mais quand moi j'ai des problèmes, ah oui, je te vois même pas. J'ai grand poulet, on est ensemble. Quand tu as l'argent, on te voit pas au quartier. À la Tchèponne, amitié bizarre comme ça. J'ai des grandes foutaises, n'aime pas ça. Oh. Colo, colo, gros camion. Je dépose les âmes, ils n'aiment pas ça. Oh. Oh. Pareil, il fait de propos. Ah, eh, eh, eh, eh. Ah. Autorité valable. C'est comme ça ils sont, amitié bizarre, d'après Warren Simba, voilà, amitié bizarre, il va au maquis, il achète, on voit, et puis après on vient lui dire qu'il a peut-être gaspillé ton argent, n'est-ce pas? C'est ça, c'est ça. Mais c'est quel genre de handgriff sale comme ça? On est en Côte d'Ivoire là. Bon, on voit ça toujours, oui? Ça, toujours. Ce sont tes amis qui te suivent. Tu dépenses et puis c'est les mêmes qui te critiquent après. Bon, c'est comme ça, c'est comme ça. Bon, tout en oubliant que c'est eux-mêmes qui boivent ce que tu payes. Ouais. Voilà, ça, c'est parce que bon, toi, tu les vois comme tes amis, tu les vois comme tes frères, mais eux, ils te voient comme un con. Parfaitement. Voilà, donc c'est un peu. Une manière de conscientiser, voilà, de modérer un peu peut-être les dépenses dans les maquis. C'est ça. C'est pas de modérer les dépenses dans les maquis parce que les maquis aussi, c'est dans ces maquis-là que nous jouons. Okay. C'est pour dire, c'est pas. Mauvais de payer. Ok. Voilà. Mais quand tu payes pour une personne, puis cette personne te dénigre après. Ok. Voilà. Il n'y a pas de ceux qui dénigrent. Ok. Il n'y a pas de ceux qui payent. Voilà. Sinon, si on ne paye pas les maquis, comment ces maquis vont inviter les artistes? Donc là, on demande au moins une reconnaissance de la part de ceux qui reçoivent. Voilà. C'est pour dire à ceux qui font ça que celui qui paye n'est pas bête. C'est parce que c'est l'amour qu'il a pour toi qui fait qu'il paye, qu'il dépense. Sinon, que, c'est parce que. Il est conscient. Sinon, s'il n'y a rien entre toi et lui, pourquoi s'asseoir à toi pour payer quelque chose? Ça, donc, c'est un peu ça. Ok. Chers auditeurs, nous sommes maintenant dans la deuxième phase de notre émission. Il s'agit de tout savoir sur l'invité, sur sa carrière, un peu de tout ici. On parle brièvement et maintenant de sa carrière. Alors, Warren Simba, tu totalises actuellement combien de titres, je vais dire? Bon, actuellement, je totalise, on peut dire, 11. On se dit parce que okay. Un album de 8 titres okay. Et toi, moi, c'est 6 mails. Donc, c'est un peu ça. en titre. Déjà, comment est-ce que tu t'inspires pour écrire tes textes ou même pour composer tes sons? Là, tu parles d'improvisation, mais on sent que pour la composition d'albums, par exemple, ça prend assez de temps, on écrit beaucoup. Comment est-ce que toi, tu fais pour écrire tout ça? C'est tout ce qui se passe autour de moi. Hein. Ok. Voilà. Moi, c'est pas pour me montrer, mais c'est, ne m'assois pas pour copier. Ok. C'est le thème, c'est tout ce qui se passe. J'ai pris un puis... Ça passe. Ça passe. Non, comme ça. Là, tu sors en ville et puis tu vois une situation là, tu rentres au studio, voilà, automatiquement il y a l'infini. Bon, c'est comme ça. Ok, voilà. Ça passe tranquillement. Et là, on écoute, ça donne quelque chose de potable. De potable, comme ça. Félicitations. Il sourit très globalement, il ne parle pas. Warren Simba. Bon, je vois un peu trop ta timidité, je sens que l'auditoire aussi est un peu trop tuc. En fait, il faut faire un exercice rapidement, même si l'exercice ne doit pas venir maintenant, mais je pense que. Tu dois le faire. Je suis pas bon, comme il t'a dit, c'est le micro qui est mon chance. Donc, c'est pas trop ça. Voilà. Sinon, de nature, tu ne parles pas beaucoup. De nature, je parle beaucoup. Mais ici, tu dois parler beaucoup, n'est-ce pas? Mais je parle. C'est par rapport aux questions. Donc, aux questions. Mais là, tu peux développer encore plus parce que tu es un peu trop bref, tu vois. Bon, tu vas répéter cette phrase. Ok? On est d'accord? Et là, c'est les gars. Quelle phrase? Tu diras, ce chat se sèche au chaud sans chichi. Ce chat se sèche au chaud sans chichi. Ce chat se sèche au chaud sans chichi. C'est pas se sèche, c'est se sèche. Ce chat se sèche. C'est quoi ça? Ce chat se sèche au chaud sans chichi. Ce chat se sèche au chaud sans chichi. Ok, ça peut aller. Alors, comme on l'a dit, hein, tu t'inspires des faits de la société pour c'est composer ça, tes textes, comme ça. Tu l'as si bien dit. C'était juste une parenthèse, voilà, un divertissement pour réaliser l'auditoire. Et là, on sait que le milieu du showbiz est encore très compliqué, honnêtement. Et comment est-ce que tu as traversé, quelles sont les étapes les plus sombres que tu as traversées musicalement parlant? Ouf, on continue à traverser. Okay. Traversé parce que je suis sorti 11 titres et puis il n'est pas encore connu. Donc on continue à traverser. Voilà. Le milieu n'est pas facile, mais c'est pourquoi j'ai dit on s'est jeté dans la jungle, okay, sans maîtriser. Voilà, c'est maîtriser au début. Voilà, c'est tout ça qui fait que actuellement on a pris un peu de pause pour pouvoir mieux, comme maintenant on maîtrise le milieu. Voilà. Commence à maîtriser le milieu, okay. Donc quoi bien que ça va passer. Ça va venir maintenant. Parce que là, il y a tes confrères, les VDA qui chantent par exemple Showbiz, c'est réseau. Qu'est-ce que tu dis à cet effet? Mais c'est vraiment réseau, c'est un réseau. C'est un réseau, c'est. Non pas mentir, c'est un réseau. Et c'est ces réseaux-là qu'on a commencé à percer maintenant. Voilà. C'est au début, quand je faisais sortir mon premier album, je ne maîtrisais pas les réseaux. Ok. Voilà. Je chantais à Paki. Dans les maquis, on nous invitait, on connaissait les gens, on nous disait ouais, c'est bien, mais ce n'était pas les réseaux. Voilà, on a fait sortir comme ça rapidement, 8 titres. Mais. Après, puis, ça n'a rien donné. Ça n'a rien donné, elle est là, parce que c'est les réseaux. Sinon, quand toi-même tu écoutes ces morceaux, tu sais que c'est les morceaux bien réfléchis, bien travaillés, mais pourquoi ça ne passe pas? Parce qu'il n'y a pas que dans les réseaux. Voilà, donc c'est un réseau. C'est un réseau. Là, on est d'accord avec le groupe VDA. Voilà. Et même s'il y a quand même des difficultés, bon, sur la scène musicale boakoise, je vais dire, comment est-ce que tu te positionnes? À vrai dire, à Boaké, je n'ai plus rien à montrer. Okay. Voilà, c'est le réseau maintenant, on essaie de percer depuis Abidjan. Voilà, c'est pourquoi c'est maintenant, c'est là-bas, on est un peu basé, on voit un peu bien. Sinon, Boaké, on n'a plus rien à montrer. Puisque à Boaké, nous-mêmes sommes les pères du Zouglou. Ok. Voilà, du Zouglou là, il va Boaké. Quand on parle du Zouglou aujourd'hui dans tout Boaké, on croit bien qu'on a fini notre travail. Voilà, on a fini notre travail, on a fini de montrer, de faire le travail. C'est pourquoi Dieu nous a. Parce que toujours dit, hein, c'est l'homme qui est peut-être. L'homme peut se plaindre, mais c'est Dieu seul qui sait pourquoi tu es à un tel endroit en ce moment. Okay. Voilà. Et à un moment donné, quand le Zouglou était plus en vogue, le Zouglou même n'existait plus à Boaké. Okay, voilà, c'est nous que Dieu a choisi pour pouvoir. Renouveler le niveau à travers les royaumes dans les maquis, à travers les lives dans les maquis. Puis aujourd'hui, bon, d'autres générations ont pris la relève. Donc, okay. ce qu'on maintenant nous on doit faire, c'est de percer le réseau d'Abidjan. Okay. Voilà, c'est pourquoi puis, c'est maintenant c'est le réseau qu'on cherche. Sinon, on ne cherche plus à s'imposer à Boaké. Sinon, à Boaké, tous les mélomanes, tous ceux qui aiment le Zoukou, tous ceux qui écoutent le Zoukou, tous les maquis savent qui est Warren Sima. À Boaké, voilà. par exemple, lorsque voilà, les artistes essaient de, par exemple, de percer, d'avoir un niveau aussi important, on a comme l'impression qu'ils ne restent plus à Boaké. Ils délocalisent, ils vont directement à Abidjan pour voilà, une belle carrière, c'est d'après eux. Mais selon toi, comment est-ce que le showbiz à Boaké fonctionne? Non, ce n'est pas une affaire de quitter Boaké. Ok. Quitter Boaké. Tu veux pas, c'est Abidjan. Okay. Puisque ils ont tout mis aujourd'hui, c'est le système même qui demande ça. C'est en moins, on était dans un système anglophone, on pouvait rester à Boaké, okay. et puis passer. Mais le système francophone dans lequel nous sommes nous impose d'aller à la capitale. Ah, oui. Tout est basé à la capitale. Okay. Donc tu veux passer à la capitale. Voilà. Mais simplement, ce qui est un peu difficile à Boaké, c'est qu'il n'y a pas de mécènes, il n'y a pas de gens qui peut te faire partie, qui ont des réseaux même depuis Abidjan ou peut te mettre dedans. Okay. Puisque on prend le cas de San Pedro. Okay. Plusieurs artistes aujourd'hui qui tournent, qui font le zouglou aujourd'hui viennent de San Pedro. Okay. Mais ils ne se sont pas levés comme ça pour aller à Abidjan. Et aujourd'hui, ils sont à Abidjan parce qu'il y a des gens à San Pedro qui ont trouvé le réseau pour eux, qu'ils ont mis dans les réseaux, okay. qui ont tout fait pour qu'ils puissent s'imposer. Mais c'est ce qui manque un peu à Boaké. À Boaké, c'est les artistes même qui vont. Créer les réseaux. Il n'y a pas de mécènes ici, il n'y a pas de gens sur qui on peut compter, okay. qui maîtrisent véritablement ces réseaux-là pour pouvoir faire pousser ces artistes. Est-ce parce qu'ils ne maîtrisent pas le réseau ou il y a déjà eu des gens qui ont peut-être, bon, en griffe, marmaillé des gens? Ça ne fait pas pour qu'on puisse parler. Mais là, c'est le domaine, hein, donc non, il faudrait qu'on dise les choses. D'autres maîtrises. C'est vraiment que. On revient encore sur VDA. Hein. Okay. Voilà, VDA a dit, il y a les réseaux, en même temps, ils ont parlé dessus aussi. Dans le même réseau, ils ont dit, il y a d'autres, un ou trois qui disent en même temps, on a été fermé. Okay. Voilà, donc c'est d'autres maîtrises, mais qui refusent de faire. Voilà, d'autres maîtrises, mais ils refusent de faire. Voilà, parce que tu ne te couches pas pour qu'ils puissent marcher sur toi. Parfaitement. Tu vois un peu. Voilà, quand tu ne te couches pas pour qu'ils puissent marcher sur toi, tu regardes, mais c'est ça. Sinon, d'autres maîtrises, et puis. On peut aussi, ils ne maîtrisent pas. Ok. Donc, vous voyez que c'est deux. C'est deux points, voilà. Ils maîtrisent, ils ne maîtrisent pas. Ok. Ils maîtrisent pas. Voilà. C'est ce qu'on retient. Pourquoi ils ne maîtrisent pas? Là, c'est. Parce qu'ils ne maîtrisent pas. Non, on ne peut pas tout parler. Non, tu peux. C'est juste pour. Tu es un artiste. Je pense que l'artiste, c'est celui qui dénonce, n'est-ce pas? Voilà. C'est tout. Donc, si toi, dans ta logique, tu penses qu'il refuse de dénoncer, tu vois un peu que ça sera toujours refermé, tu vois. Voilà. Donc, tu dis les choses telles qu'elles sont. Donc, c'est comme je l'ai dit au début, il n'y a pas de mécènes, il n'y a pas de véritable homme showbiz à Boaké, sincèrement. Il faut si d'autres, on peut le dire, on va le dire. Parce que quand nous, on va à Abidjan, puis on voit un peu la manière, ça se passe, et puis on vient à Boaké, la manière, ça se passe, c'est pas la même chose. Voilà. On dit Abidjan, quand on voit un peu dans d'autres villes, même si c'est Abidjan qui est la plateforme, mais quand on voit dans d'autres villes, la manière, le showbiz, et puis on vient chez nous, mais à Boaké, qui est à deuxième grande ville de Côte d'Ivoire, puis la manière, c'est. On voit que c'est un peu obscur, on retient ça. C'est pourquoi presque tous les artistes même de Boaké commencent à partir vers Abidjan. Ok, voilà. Même si les promoteurs de spectacles ici à Boaké ne sont pas trop, on va dire, bon. Non, les promoteurs essaient. Ça, il ne peut pas gâter les promoteurs essaient, effectivement. Quand les promoteurs, surtout. Bon, nous, les promoteurs, c'est les maquis, c'est les trucs qui essaient de mettre à la lumière ces artistes-là. Ouais, ils essaient, ils font le mieux. Voilà. Mais à part les promoteurs, il y a d'autres qui sont dans le milieu, mais là, qui doivent faire. Ils ne le font pas. On prend l'exemple aujourd'hui de. Même si ça fait un buzz, même si c'est aujourd'hui. Gâté en eux, comme on le dit, okay. confirmé et congélateur. Voici quelqu'un en tant que manager qui prend un artiste de nulle part, qui voit son talent. L'artiste est toujours capricieux. Hein. Okay. Je dis tout artiste est capricieux. Mais qui prend un artiste, qui façonne l'artiste, qui prend l'artiste et qui s'en va le positionner à un niveau. Parce qu'il a vu en lui qu'il pouvait atteindre quelque chose. Okay. avec cet artiste. Même si aujourd'hui, il est où il est, en fait, c'est à cause des congélateurs, il est là. Okay. On peut dire aussi à cause de confinés, congélateurs. Là, chacun, à cause de chacun, son coin. C'est parce que son coin. Et c'est ça qui manque au Diaboaké. C'est ça qui manque à Boaké. Sinon, c'est pas parce qu'il n'y a pas des gens qui sont prêts à enlever des liasses pour pouvoir soutenir des artistes. Mais qui, un artiste, malgré tout ce que tu vas voir, c'est celui qui est derrière toi, qui est quelqu'un de confiance, tu dois te prendre. Tu laves l'artiste, c'est comme, on peut dire, de l'eau qu'on trouve dans la boue. Okay. Mais c'est quelqu'un qui trouve l'eau, qui lave l'eau, et l'eau devient chère. Okay. Voilà. Mais ces personnes ne sont pas bloquées. Sincèrement, ne sont pas bloquées. Ces personnes ne sont pas bloquées. Okay. Donc là, on a parlé des dévanciers, du showbiz ou quoi. Maintenant, je vais te demander maintenant la relation avec les autres artistes. Comment ça se passe entre vous? Très bien, très bien. Ça se passe très bien. Pas... Que ce soit les Douya, que ce soit la nouvelle génération, c'est bon. Mais on cherche tous atteindre le haut niveau. Ouais, le haut niveau. Ouais, donc c'est là le. Voilà. Bon, on va dire c'est de bonne guerre en fait. Okay. Non, rien, ça va. Ça va. Avec vous, ça que va. Que ce soit ici, que ce soit à Abidjan, pour, ceux qu'on, bon, pour ces personnes qu'on se fréquente, c'est bon, ça va. Tranquille. Et puis, t'as pas encore reçu des clashs hein, venant de la part de quelqu'un. Non, pas de clash, pas de clash. C'est que dans mon domaine Zouglou, il n'y a pas trop de clash. Enfin, ouais. Quand on est en Zouglou, nos clashs, c'est plus au micro. Okay. Voilà, on ne peut pas venir s'asseoir pour dire je suis fort que toi, si tant. Non, c'est dans le micro qu'on voit qui. Voilà, c'est comme ça qu'on fait nos clashs en Zouglou. Donc, puis après, quand on finit, bon. Tranquillement, on s'assoit, on prend un pot, parce que là, c'est la marque du Zouglou. C'est important. Tranquille. Et puis, actuellement, c'est quoi ton nouveau projet, je vais dire? Ok, comme je l'ai dit, on s'est lancé dans la jungle au début, sans connaître. Donc, actuellement, mon nouveau projet prépare actuellement le tout nouveau. On prépare okay. l'album. Ok. Voilà. Et parce qu'on a eu ces personnes-là qui maîtrisent les réseaux. Voilà. Des personnes qui peuvent vraiment nous encadrer. Voilà. C'est pourquoi j'ai dit je fais maintenant plus la navette à Boaké, Abidjan. On parle pas trop parce que c'est dans le bois sacré. On peut travailler. On croit bien que quand ça a sorti cette okay. fois-ci, ça va être bim. C'est pourquoi je sais que mes fans m'attendent. Parce que sur mes réseaux sociaux, mes WhatsApp, mon Messenger, c'est rempli. Donc, il fait sortir quand il vient. Puis ça fait, okay. pareil, ça va plus de 2 ans hein, qu'il ne fait pas. Des singles, voilà, ça va, pas sorti. C'est parce qu'il ne va pas sortir. C'est parce que ça est dans. L'album, en fait. Okay. Voilà, dans le studio. Okay. Voilà. Actuellement, on prépare beaucoup de choses. Il y a beaucoup de choses sont dans le studio. Okay. Mais on ne veut plus se jeter comme ça. Okay, là, sortir un son et puis rester toujours à Boaké, mais rester dans le studio. Non. Donc, on prépare vraiment. C'est quelque chose de grand qu'on prépare. Ok. Voilà. Là, tu as parlé un peu des réseaux sociaux, hein, WhatsApp, TikTok et tout. Voilà. Est-ce que. Bon, à savoir quel nom qu'on peut te retrouver sur les réseaux? C'est Warren Simba. Warren Simba, actuellement, c'est ma page Facebook. Bientôt, on va aller TikTok, YouTube, tout ça. C'est tout ça. Ça revient toujours à ce qu'il a dit au début. Ok. Parce que j'étais dans un commerce. Donc, c'est maintenant en train de trouver le secret. Tout ça, le secret. Ok. Voilà, à travers les réseaux sociaux, à travers Insta, bien professionnel, tout. Donc, je travaille depuis Abidjan. Moi, je suis ici. Voilà, je suis ici. Puis, aidé un peu par mes gars qui sont ici. Okay. Donc, le vrai travail, mais c'est fait depuis Babi. Okay. Donc, quand tout va être propre, on va lancer maintenant. Et je crois bien que c'est là où on va s'imposer. Tranquille. Alors, la confiance. La confiance, comme tu l'as dit, hein, tu t'exprimes à travers le micro. Et nous allons te permettre de nous faire un petit truc, on va dire. Hein. Tu vas nous laisser un jeune live de 2 minutes. Je vais dire un jeune live de 2 minutes. Et puis. Tu vas dire au revoir à tes auditeurs, on ne va dire tes fans aujourd'hui. Alors, on va. C'est un beat ou bien comme ça? Bon, tu peux aller comme ça ou tu veux qu'on mette un beat? Je prends ton avis. Mettre un beat comme tu veux, on va. Un beat? Beat comme mieux. Ok. En attendant que le beat soit posé, je continue avec les questions. Ils vont mettre le beat et puis tu vas t'amuser, certainement. Ok. Un autre jeu pour te tester. Tu te poses des questions, tu ne réponds pas par oui, par non, par Ça peut aller? On va essayer. On va essayer. Warren Simba, tu es artiste, musicien, bon, Zouglouman, n'est-ce pas? Si. C'est ce que tu as dit, non? Tu parles? Si. Mais là, tu ne parles pas. Bon, je sais pas. Tu as dit si. Tu as dit si, c'est ce que tu as dit? Non, non. Warren, on est sérieux. On va encore. On va encore naissance. Ok, tu parlais à l'instant hein, de tes débuts. Bon, tu n'as pas pris la peine de vérifier les contours du showbiz, n'est-ce pas? C'est ça. C'est ça, n'est-ce pas? C'est ce que tu dis, hein? Ça fait 4 ans, c'est pas des médias. Ça fait 4 ans, c'est ce que tu as dit, hein? Oui, ça fait 4 ans. Ah, tu as dit oui. Là, tu dis oui, et tu tombes dans mon piège. C'était juste de piéger, et puis vous parlez beaucoup, et je te mets dans un truc, ça prend tranquillement. Warren Simba. Alors, c'est bon, on peut démarrer? Aujourd'hui, avec FM, elle est celle des qui parle. Dans la vie que tu vois là, mon frère, c'est ta détermination qui dénonce ce que tu veux. On dit à la chance, mais Dieu qui est là, ne bénit pas les paresseux. C'est quand tu te lèves et que tu bouilles, tu as foi en ce que tu feras, que Dieu te donne son droit. Souvent tu t'assois, tu dis, et d'accord, m'as-tu oublié, suis-je pas aussi ta créature? Mais l'espoir de Dieu, Dieu t'a pas oublié. Il t'a même pas laissé. C'est comme quand elle abonne et te donne une âme. Tu refuses de donner parce que tu sais que l'enfant là peut se blesser. C'est comme ça aussi, tu es regardé. Quand tu n'es pas encore prêt, malgré tes prières là, Dieu va pas te donner. Mais quand tu seras prêt, il va te bénir. Yassa, Gégué, Yassa, Yassa, Yassa, Yassa, Yassa, Yassa, Yassa, c'est ta détermination qui te donne ce que tu veux là. Oh yes, oh yeah, yeah, yeah, yeah, oh yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, on a janté, y'a les 10 millions de quoi comme nous, on est libéré, on a mis 10 et puis ça va, y'a les deux libéré, mais c'est passé, il a perçu, ça parle, ça parle, et c'est très bien, c'est qui vient là, c'est pas pour amuser, pas, on y est, on y a ça, ok, c'est ça. Ouais, c'est le haut niveau ici, le Zouglou, c'est le haut niveau, c'est du haut niveau avec Warren Simba. Voilà, je sens que mes auditeurs, auditrices ont pris le malin plaisir, on va dire un grand plaisir, hein, ont passé un bon moment avec nous sur Gwek FM, la radio qui émet jusqu'au bout du monde. Vous savez, nous sommes amplement impliqués, que ce soit dans le sport et aussi dans la promotion de l'art. Alors, Warren Simba, nous sommes au thème de l'émission du jour. Un message à l'endroit de tes fans et aussi, bon, combiné en même temps un mot de fin. Ok, comme je l'ai dit, je dis à mes fans de rester à l'écoute, de savoir qu'on travaille. On travaille. Parce qu'on ne veut pas se jeter comme on a fait au début. Voilà. Au début, on peut dire qu'on était encore des débutants dans les showbiz. Parce que maintenant, on vient de faire sortir l'album. Donc, actuellement, on prend le temps de mieux. Tous les contours, ok. C'est question de travail. Faut pas bon, penser qu'on travaille pas en travail. Il y a les frères oui, qui sont encore en studio qu'on prépare. Ok, voilà. Donc, il est à l'écoute. Ok, comme ça. Restez à l'écoute. C'est avec ces mots qu'on va quitter. On va dire en compagnie de mon vaillant guerrier du jour, Warren Simba. Merci d'être passé sur le plateau de Gwek FM. On reste open, on reste ouvert. Ça vous le merci. Ça ok, chers auditeurs, on se quitte avec ce proverbe qui dit ceci. L'inspiration existe, mais il faudrait qu'elle te trouve au travail. Merci de nous avoir suivis et on se donne rendez-vous jeudi prochain à 10h. Passez une excellente journée sur Gwek FM. Asoto, Amical Zoukou du Topi, le boss, la fraîcheur. Oh Ibeko, Ibe, c'est ma Coco Ibe, ça. fais plus respirer. Ouais. Président Kabi. Nos jeunes s'en vont ressembler en tout bambou. Petit discours, on se retrouve à la justice. Ouais. Plus de respect dans le foyer, c'est ma dame qui porte la culotte. Ouais. Maman a ni beaucoup, on a si ami. A toi, Mamoudou. Oh, Ibeko. Ibe, c'est ma copine. Ah, Koko, Ibe, ça, ouais. Ibe. C'est ma chérie Koko là, Jojo Kokibo. A la sauce, oh, c'est ma chérie, oh, oh. La sauce la tamse. Entre soi et moi, l'amour est au rendez-vous. Ma gueule est belle que j'ai gagné, papa, ben ma Koulibaly. Hey. On va gagner ça. Rachou la danoise. C'était toi, c'était toi, toi, toi, toi. À travailler un peu là, je reconnais plus mon bébé là. La maison est devenue un véritable bon fait sur terre. Ouais. J'ai pas un pas deux, même pour aller à ta boue. C'est au soir qui veut monter. Pour oh, Ibeko, Ibe, c'est ma coco. Ah, Koko Ibe, ça ouais. Ibe, Ibe, c'est qui encore Koko Ibeko. Ibe, Ibe, hey, oh, oh, oh, oh, Ibe, ça. Oh. Ibe, Ibe, c'est ma coco. Tel Pierrot, l'attaquant de poète. Fuck Langui, Kwasi. Le parrain IP, le Bobo. Maman Myriam Koulibaly. Le Roro du Chu. Niki Teba Magoleyo. Président Soro Soro. Le riche Kobasileyo. La femme émancipée, c'est celle qui respecte son mari. Qui prend soin de son foyer. Malgré ton rêve, ça reste toujours ton mari. C'est toi qui chasse le foyer et puis tu te joues les Django. Oh, t'es attique à son mère, c'est comportement qui donne le foyer. Ouais. Elle t'est manager. Hey, hey. Maman a mis quand elle est hier, ça. Président MPC, t'es la génération consciente. A calé la légende, président PC, le yo. Je m'en désire, y'a qu'au papa, autorifie le yo.